Yeah. Shush. Zaga. Oh. Grosse caisse pour qu'un Vespa. Une équipe en Tesla. Jamais. DJ Wine notre Messa. En brouille, tu finis mes connaissances. Bonhomme se fait rare ici. Bah oui. Fais son genre hard easy. Bon. De l'autre couture son un peu ça. Il regarde la mer du vif dans nos busters. Oh. Bombardé. Bah oui. On va bombarder. Je danse pas le macossa, j'ai du style normal, je suis cosa. Il reste classe même sans costard. Cette meuf pas costa, je suis sur le terrain Diego Costa. C'est jamais fini, jamais. Fais la loi à domicile. Ah oui, ma mère. C'est jamais fini, jamais. Fais la loi à domicile. On fait ce qu'on veut. On produit la pièce. Ah oui. Sans chauchard de la tête. Ça pue ma gueule. C'est jamais fini. Fais la loi à l'extérieur ou à domicile. Shit. Hey. Bombardé. Bah oui. On va bombarder. On va bombarder. Bombarder. Bah oui. On va bombarder. J'en suis allergique. Ah, eh, bise le mini. Oui. On cherche la moule à midi, minuit. Oui, rien qui parle, ah, oui. Même en chien, me tient par le. Ah non, c'est jamais fini. Fais la loi à l'extérieur ou à domicile. Ah oui, ah oui, oui. Ah. Tout est noir après minuit. Dans ah. Le business, on s'affile. Ah. On regarde embrouillé physique. Bah, bah, bah, bah, eh. Ah oui, oui. Ah. Tout est noir après minuit. Dans le business, on s'affile. Ah. On regarde embrouillé physique. Bah, bah, bah. Bombardé. Ah. On va bombarder.